Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Même si les médecins t'ont dit que tu ne paieras plus, tu ne feras plus 3 mois ou 6 mois. Crois que le Dieu de la résurrection qui a ressuscité Lazare est capable de ressusciter ton corps. Espère encore que tu sortiras de ce lit, tu sortiras de cet hôpital parce que la main de Jésus est capable de te libérer et tu proclameras ton saint nom. Tu proclameras son saint nom. Tu peux dire comme David, non, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Réveille-toi. Relève-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous croyons que le Dieu que nous prions, il est un Dieu vivant, il est un Dieu réel. Notre passage du jour, c'est Matthieu chapitre 6, 16 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Matthieu 6, 16 à 24. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ne vous amassez pas les trésors sous la terre où la teigne ou la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce passage. La première vérité, évitons le jeûne formaliste. Nous avons déjà vu que le Seigneur s'intéresse à notre attitude intérieure. Il ne veut pas que nous fassions des choses pour que les autres nous voient. Mais il veut que nous ayons une piété profonde qui découle de notre état intérieur. C'est pourquoi il dit ceci au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il ne faut pas que tout le monde constate que tu es un jeune. Tu ne peignes même pas les cheveux et tu es là, tout défait. Quand quelqu'un te voit et dit, hey, ça fait pitié. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la vraie piété. C'est ce que faisaient les pharisiens pendant ce temps-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des jeûnes, qui font des carêmes. Ils veulent que tout le monde sache que je jeûne, je fais les carêmes. Vous voyez? Mais ici, Jésus nous apprend qu'en tant que chrétien, on ne doit pas faire des choses pour nous faire voir. Il dit au verset 17, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est-à-dire, sois normal. Ne montre pas aux autres que tu jeûnes comme si tu es en deuil. Non, il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Ne faisons pas le jeûne comme quelque chose que nous faisons pour que les autres nous apprécient. J'ai fait un jeûne de 3 jours, j'ai fait un jeûne de 7 jours, j'ai fait un jeûne de 21 jours, 40 jours. Il y a même des gens qui dépassent 40 jours. J'ai vu quelque part, on dit jeûne de 100 jours. Bon, si on le fait avec des bonnes motivations, il n'y a pas de problème. Mais si on le fait pour que les autres apprécient, pour dire que bon, c'est nous qui savons jeûner, là, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez déjà votre récompense. C'est-à-dire, votre récompense va se limiter seulement à ce que les autres vont acclamer. Mais au niveau de Dieu, là, tu n'auras aucune récompense. Deuxième vérité, amassons des trésors dans le ciel et non sur la terre. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il ne veut pas dire que nous ne soyons pas bénis, non. Mais il veut montrer que nous devons beaucoup plus penser à investir pour le royaume du ciel. Est-ce que tu comprends? Investissons notre argent pour le royaume céleste. C'est ça la pensée. Comment nous investissons l'argent pour le royaume céleste? C'est lorsque, par exemple, nous soutenons l'œuvre de Dieu. Lorsque nous utilisons notre argent pour les besoins de l'évangile. Par exemple, en soutenant cette radio Fréquence Vie. Je vais parler à quelqu'un. Si Dieu t'est béni, pense à cette radio. Nous sommes en train de faire des extensions par-ci, par-là, en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de matériel pour que le son s'améliore. Tout ça, ça participe à l'évangélisation. En contribuant, en soutenant les missionnaires, en soutenant la croissance de l'Église. Voilà, en posant ces gestes-là, vous êtes en train d'investir pour le royaume du ciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui amassent des trésors seulement ici sur terre. Tu accumules l'argent, et parfois ton argent là, ça ne sert pas à l'avancement de l'évangile, vous voyez? Parce que tu peux accumuler l'argent ici, mais est-ce que tu es conscient que ici sur cette terre, nous ne sommes que des passagers, de pèlerins, et que nous les chrétiens, notre vraie patrie, c'est le ciel, vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit ici, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. » Vous voyez, ici sur la terre, tout ce dont nous disposons, regardez, il y a beaucoup de gens qui ont été au pouvoir, qui ont eu beaucoup d'argent, mais à un moment donné, ils sont tombés. Ça dit que les biens sur cette terre-là sont fragiles. Même le pouvoir est fragile. Je vais dire à quelqu'un, mon ami, quand Dieu t'a élevé là où tu es, il faut penser soutenir ton œuvre. Il ne faut pas, quand on va t'enlever là-bas, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à regretter. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand Dieu t'est béni, t'élève, tu oublies l'œuvre de Dieu. Tu oublies même tes papas spirituels. Tu oublies même les serviteurs qui ont prié pour toi. Mon ami, un jour, lorsque Dieu va te lâcher, toi-même, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai foutu? Il faut savoir investir pour le royaume céleste. Parce que là, les biens sont en sécurité. Là, ce sont des biens durables. Tu investis pour l'éternité. Troisième vérité, ayons une bonne perception des choses. C'est-à-dire, quand notre conscience n'est pas éclairée là, c'est tout l'être qui est dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur manière de voir, leur conscience n'est pas éclairée. Par exemple, lorsque tu penses que c'est en adhérant dans un mouvement mystique ou occulte que tu deviendras riche, tu ne sais pas que en adhérant dans ce mouvement-là, où on t'a dit que tu seras grand, tu auras l'argent, tu vas dominer sur les autres, tu oublies qu'en le faisant, tu te livres entre les mains de Satan. Tu oublies qu'en le faisant, tu livres peut-être tes enfants, ta famille entre les mains de Satan. Vous voyez, il y a une mauvaise perception des choses. C'est pourquoi Jésus dit ici, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Vous voyez, ici, l'œil ici pour nous, c'est la perception au niveau de notre âme. Parce que c'est avec tes yeux que tu éclaires. Quand tu regardes tout ton être, tu peux, c'est l'œil qui nous permet de voir où nous allons. Mais si ton œil là ne te permet pas de voir, c'est-à-dire que tu vis dans les ténèbres. Et nous avons une perception sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous délivre de l'aveuglement. Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés. Là où il y a un danger, toi tu ne vois pas qu'il y a un danger. Prions pour que Dieu nous aide à être éclairés sur le plan spirituel et que nous soyons délivrés de l'aveuglement spirituel qui fait que parfois nous marchons dans les ténèbres. Quatrième vérité, nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Satan. C'est ça que Jésus veut montrer ici. Il y a beaucoup de gens qui sont partagés, mon ami. Tu dis que tu es chrétien, mais en même temps, on t'a donné des formulaires à remplir pour être membre d'un mouvement mystique. C'est incompatible, hein? Il y a des endroits où on te parle de Jésus là. Mais le Jésus dont ils t'en parlent là, ce n'est pas le vrai Jésus de la Bible. Il faut ouvrir les yeux. Il y a des endroits où quand tu pars, on te dit oui, il faut lire la Bible. Il faut même lire tous les livres sacrés. Hein, tu peux lire la Bible, tu peux lire le Coran, tu peux aller à la messe, tu peux aller, mais en même temps, tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin d'apprendre la parole de Dieu pour t'éclairer. Parce qu'il y a des gens, quand tu entres quelque part, on commence à t'initier en disant que voilà, c'est pour avoir la maîtrise de la vie. Mais comme tu ne connais pas la Bible, là, à un moment donné, quand tu vas entrer dans un niveau très avancé, ça devient trop tard. Est-ce que tu comprends? Je parle à toi, mon ami. Tu risques de livrer ta vie entre les mains de Satan. La voie que tu suis n'est pas bonne. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de servir Satan. Parce qu'ils veulent être riches. Il y a des gens qui disent, pour Dieu là, ça dure. Mon ami, Satan, ce qu'il te donne là, quand il te donne d'une main, il va récupérer d'une autre main. Est-ce que tu comprends? Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils cherchent à s'enrichir là, tu vas voir, en même temps, il n'y aura pas, la même année, il y a un enfant qui devient dingue. Il y a un enfant qui n'arrive même plus à travailler à l'école. Parfois, c'est la conséquence de l'occultisme des parents. Est-ce que tu comprends? Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients que tu as livré ton enfant. Parce que la Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. On ne peut pas servir Jésus et Satan. Non, il faut faire un choix. Ou Jésus ou Satan. Il est dit au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est un nom qui incarne l'argent, le pouvoir de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais lorsque tu es obsédé par l'amour de l'argent, c'est-à-dire ce Mammon qui devient comme ton Dieu, mon ami, l'argent là, tu peux le gagner de manière honnête. Mais lorsque tu cherches à t'enrichir par des moyens illicites, tu vas tomber entre les mains de Satan. Est-ce que tu comprends cela? Je vais dire à une dame, tu fais les affaires, mais tu es en contact avec certaines dames qui te disent, non, il faut entrer dans une dimension, tu peux être milliardaire. Mais ouvre bien les yeux, si les pratiques qu'ils te demandent de faire là, ce sont des pratiques qui glorifient le Seigneur. Tu peux devenir milliardaire avec Jésus, mais pas milliardaire en vivant dans la compromission. Des pratiques sexuelles parfois que Dieu ne recommande pas, des choses horribles, entrer dans le commerce illicite, ça ce n'est pas bon. Ça c'est servir Mammon. Que Dieu nous en épargne. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques. Gloire à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur, dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui te révèle ces choses. Il est le Dieu qui t'aime. Il est le Dieu qui a permis que tu puisses être à son service. Prie le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que ce matin, tu nous éclaires, tu nous illumines, tu nous ouvres nos yeux pour comprendre le mystère de ta parole et pour mettre cette parole-là en pratique. Merci pour la force de ta parole qui agit en nous. Merci pour la lumière de ta parole qui est manifeste dans nos actes, par nos paroles, par nos actions. Merci Père, parce que par ta parole, nous sommes façonnés à changer de niveau. Nous sommes façonnés à abandonner tous nos péchés, à être agréables à toi. Merci pour la puissance de ta parole qui se manifeste dans notre vie. Merci parce que nous ne cherchons seulement qu'à faire ta volonté, à rechercher, à amasser les trésors du ciel. Père, merci parce que ta parole dit que là où est ton trésor, là aussi sera notre cœur. Merci parce que notre cœur est dans ta parole. Notre cœur est dans la manifestation de ta parole. Notre cœur est dans l'œuvre que nous produit ta parole. Merci Seigneur, nous ne pouvons servir que toi et toi seul. Merci de nous aider à te servir fidèlement, de te servir honnêtement, de te servir par la puissance de ton esprit. Merci pour ta grâce que tu manifestes dans notre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Nous sommes dans Matthieu 6, 19 à 24. C'est notre passage du jour. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à investir pour le royaume de Dieu. C'est ça, investir là où les trésors ne peuvent être détruits. Investir pour l'éternité. Que le Seigneur nous rende conscient du besoin d'investir notre argent pour le besoin de l'évangile, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, ce matin nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous venons au Père en tant que tes enfants exprimer notre reconnaissance et prendre l'engagement de soutenir ton œuvre. Soutenir ton œuvre avec ce que nous avons reçu de toi. Nous voulons investir dans ce qui est éternel. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que la contribution à l'avancement de ton œuvre sera la priorité de toutes nos activités. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout amour de l'argent est lié dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre engagement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, concours à l'avancement de ton œuvre. Nous prions au Père éternel et nous disons aussi que tout obstacle à l'investissement dans ton royaume est ôté au nom de Jésus. Nous lions tout esprit d'avarice, nous lions tout esprit de dureté de cœur et nous proclamons la libéralité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous exprimons cette reconnaissance parce que tout ce que nous avons vient de toi. C'est pourquoi nous demandons, Père éternel, que par ton Esprit Saint, nous soyons incités à soutenir ton œuvre, à soutenir ton ministère, à proclamer ton évangile et à contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous lions tout esprit de cupidité en notre sein. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de l'aveuglement. Parce que si notre œil spirituel ne voit pas bien, nous marchons dans les ténèbres. Prions parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont aveuglés. Ils ne savent même pas là où ils vont. Prions pour que Dieu nous éclaire, afin que nous ne tombions pas dans les pieds de l'ennemi. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, ce matin, parce que Jésus nous a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nous ne viens à toi que par lui seul. C'est lui, notre chemin, qui nous conduit à toi. Et tu nous dis dans le psaume 32, verset 8, « Je vais vous instruire, vous éduquer, vous enseigner, avoir le regard sur vous et vous montrer la voie à suivre. » La voix, ta voix se trouve dans ta parole. Là, ta voix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ta voix, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous voulons prier ce matin pour tous ceux-là qui s'appuient sur leur propre voix, leur expérience, notre Dieu, leurs pratiques, leurs rêves, leurs visions, leurs comportements. Ô Seigneur, nous voulons prier ce matin que cet esprit d'aveuglement soit ôté dans nos milieux, dans nos vies maintenant, que les masques tombent. Quelquefois, c'est dans l'ignorance. Mais il y a des fois aussi, c'est exprès. On veut épater, on veut avoir le monde. Mais Seigneur, un esprit d'aveuglement, tu nous dis dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Révèle ta parole, ta lumière à chacun de nous, parce que nous sommes dans ton champ. Viens à nos secours. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous aide à choisir Jésus. Ne pas servir maman. Ne pas servir Satan. Peut-être que tu as été sollicité par des amis. Peut-être que tu subis des pressions de la part de tes parents. Parce qu'ils sont dans le mysticisme. Mais toi, tu es chrétien. Ce qu'ils te demandent de faire là, ce n'est pas bon. Tu vas prier Dieu pour qu'il te donne la force de dire non jusqu'au bout. Tu vas prier parce qu'il y a ton patron qui t'harcèle. Il veut que tu entres dans un mouvement bizarre. Prie le Seigneur afin qu'il puisse te donner la force et que tu puisses résister et que tu puisses croire que même sans ces choses-là qu'il te demande, tu seras béni, tu seras élevé au nom de Jésus. Prions pour tous ces frères et sœurs qui sont harcelés là où ils travaillent. Ils sont harcelés dans les milieux nationaux, dans les milieux internationaux pour servir le diable parce qu'on leur promet l'élévation, parce qu'on leur promet l'argent, on leur promet la richesse. Prions même pour les hommes de Dieu parfois qui dévient, qui abandonnent la foi parce qu'ils veulent devenir riches, mais par des méthodes peu recommandables. Prions le Seigneur. Oh, espérons. Il est bon de te louer ce matin. Il est bon de te magnifier, de t'honorer, de te glorifier. Parce que tu es un Dieu digne et tu ne veux pas partager ta gloire avec un autre. Merci parce que tu es unique en ton genre. Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu t'appelles Jéhovah Nissi. Rehoboth est ton nom. Shalom est ton nom. Tu es vivant, tu n'es pas mort. Tu ne veux pas réellement qu'en tant qu'un fils, en tant que racheté, en tant que des enfants que tu as mis à part, tu ne veux pas que nous suivions deux maîtres, nous suivions les œuvres du diable, nous marchons selon la pensée de ce monde. Seigneur, aide quelqu'un qui est harcelé dans son service, qui est harcelé par son patron, qui veut lui imposer, Seigneur notre Dieu, une autre voie qui est contraire à ta volonté. Seigneur, merci parce que tu donnes à tes enfants d'être sincères, d'être forts, de ne pas renier à la foi, de reconnaître davantage que tu es Dieu, de savoir dire non. Père, tu es capable de nous garder, de nous protéger. Merci, Seigneur, de nous aider à prier pour ce frère, afin que son patron, son chef, soit confondu dans cette voie dans laquelle il veut entraîner mon frère, ma sœur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces serviteurs de Dieu qui sont fermes dans la foi, qui comptent sur toi, qui espèrent en toi, qui cherchent ta volonté et qui veut l'assistant du Saint-Esprit pour travailler au nom de Jésus-Christ. Bénis quelqu'un. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir. Par son bras puissant, faisons monter.